fasse des scènes. Faut qu'on se dingue, ma chérie. Ton sourire nomme des ailes. Faut qu'on se sauve, ma chérie. Trop d'essais, j'fais ma RS, je les monégas. J'vais tout laisser. Que des disques dorés. Merci bon Dieu. Ça marche de jobé. Moi ça me rend heureux. T'as fait le trait, j'avais pas. T'avais pas l'air de m'aimer. Si j'suis bizarre, m'en veux pas. M'en veux pas. Faut qu'ils me connaissent. Mais ils comprennent pas ma vie. Ils restent à l'ouari. Ils veulent pas de nouveaux amis. Toute ma jeunesse, j'ai rêvé de la Ferrari. On n'est pas son ami, on n'est pas classe en ami. Pitchy maman, tu es bizarre, on dirait que je dois des sous, tu me fais le rêver. Pitchy maman, tu ne verras jamais faire le fou alors que tu n'as rien fait. Pitchy maman, si je reste, c'est vraiment parce que je suis né là, moi. Et si je rêve, c'est peut-être que j'ai trop d'espoir. Elle se retourne par la veste, tu peux compter sur moi. Et si tu me blesses, alors sur toi je fais une croix. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles sur moi, dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant je t'apprécie. Kali ou amnésia. Quand je vis je respire. Il me faut un petit yacht. Beyoncé comme Jay-Z. Faut penser à s'en aller. Ça sera mieux là-bas. Même en chien j'ai donné. Moi-même quand j'avais pas. Pourquoi tu as déconné? Moi je trouve ça dommage. Je t'ai pas fait de manière. Je te défauché de mon coffrage. Faut qu'ils me connaissent, mais ils comprennent pas ma vie. Ils restent à l'ouari, ils veulent pas de nouveaux amis. Toute ma jeunesse, je rêvais de la Ferrari. On n'est pas son ami, on n'est pas classe en anif. Pitchy maman, tu es bizarre, on dirait que je dois des sous. Tu me fais le rêver. Pitchy maman, tu me verras jamais faire le fou alors que tu n'as rien fait. Pitchy maman, mon ami, c'est pas mon ami, c'est tout. Même ça fait de la peine, même ça fait des problèmes. Pourquoi se prendre la tête? Je te parle pas si tu me dégoûtes. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. L'ennemi de mon ami, c'est pas mon ami, c'est tout. Même ça fait de la peine, même ça fait des problèmes. Pourquoi se prendre la tête? Je te parle pas si tu me dégoûtes.